T'es bien assis, t'as l'impression que cette fois-ci c'est pour de bon, que t'es le génie, que t'es le champion du monde. Sans te vanter, tu es un lion, t'as mérité de la nation. Tu vas jeter Napoléon dans l'ombre. Tout ça c'est comme au cinéma, ton fauteuil remonte avec toi. Quand le spectacle est terminé, la place est libre, on peut passer. T'as réussi, t'en es certain. T'es bien assis, mais ce n'est qu'un strapontin. Tu as ton nom en lettres d'or au panthéon des faux ténors. Dans des millions de transistors, tu chantes. T'es le plus grand, t'es le plus beau. Pour les enfants, t'es un héros. Pour les parents, quelques zéros en banque. Tout ça, c'est comme au cinéma. Ton fauteuil remonte avec toi. Quand le spectacle est terminé, la place est libre, on peut passer. Un jour, voilà, tu n'es plus rien. À l'Olympia, tu n'as plus qu'un strapontin. J'avais promis de me ranger de la folie du verbe aimer, d'être à l'abri, mais j'ai plongé quand même. J'ai beau me dire si j'avais su et me mentir d'y avoir cru, mon cœur délire, tu m'as bien eu, je t'aime. Tout ça, c'est comme au cinéma, ton fauteuil remonte avec toi. Quand le spectacle est terminé, la place est libre, on peut passer. Tu es parti avant la fin, et moi je suis restée sur un strapontin.